Comment le brigadier se rendit à Minsk par Arthur Conan Doyle. Ce soir, je voudrais un vin plus fort, mes amis. Du Bourgogne plutôt que du Bordeaux. Mon cœur, mon vieux cœur de soldat, est opprimé de tristesse. Que l'âge a donc une manière perfide de s'insinuer en nous. On ne se doute de rien. On ne comprend pas. L'esprit reste le même. On ne sait comment le pauvre corps, lui, tombe en ruine. Mais le moment vient où l'on s'en aperçoit tout d'un coup. C'est rapide et clair comme un moulinet de sabre, et l'on compare ce que l'on est à ce que l'on fut. Voilà précisément ce qui m'arrive. Allons, du Bourgogne blanc, du Montrachet, votre serviteur, messieurs. J'étais ce matin au Champ de Mars. Pardonnez aux jérémiades d'un vieillard, mes amis. Vous avez assisté à la revue, elle était splendide, n'est-ce pas ? Je me trouvais dans l'enceinte réservée aux officiers décorés de l'ancienne armée. Ce ruban, ma boutonnière, me servait de coupe-fil. Quant à la croix, je la garde chez moi dans un étui de peau. On nous avait fait l'honneur de nous placer à l'endroit du salut des troupes, à la gauche de Sa Majesté Napoléon III et de la cour. Voilà des années que je n'allais plus aux revues, car il y a trop de choses que je réprouve. Ainsi, je réprouve les pantalons rouges de l'infanterie. Jadis, l'infanterie ne se battait qu'en culotte blanche, le rouge appartenait à la cavalerie. Pour un peu, nous nous prendrions nos colbacs et nos éperons. J'aurais fréquenté les revues qu'on aurait pu me croire, moi, Étienne Gérard, capable d'admettre des innovations pareilles. Je restais donc chez moi. Aujourd'hui, avec cette guerre de Crimée, c'est autre chose. Nos hommes vont se battre. Pouvais-je manquer au rendez-vous des braves? Ils marchent bien, savez-vous, nos petits lignards. S'ils ne sont pas gros, ils ont de la solidité et de l'allure. Je leur tirai mon chapeau quand ils passèrent. Puis vinrent les canons, de bons canons, avec de bons chevaux et de bons artilleurs. Eux aussi, je leur tirai mon chapeau. Puis vinrent les pontonniers. Je saluai encore. Il n'y a pas d'homme plus courageux que les pontonniers. La cavalerie suivait, lanciers, chasseurs et spahis. Je leur fis mon salut à tous, sauf aux spahis. L'empereur n'avait pas de spahis. Et quand ils eurent tous défilé, que croyez-vous qui apparut enfin ? Une brigade de hussards et qui chargeait. Ah, mes amis, la fierté, la beauté, la gloire de cette charge, ses éclairs et ses étincelles, le tonnerre des sabots, le cliquetis des gourmettes, les crinières flottantes, les nobles têtes, le nuage mouvant de l'acier. Mon cœur en battit la chamade. Au spectacle des dolmans gris passementés d'argent et des chabraques en peau de tigre, il me sembla que le passé s'envolait devant moi. Je crus revoir mes magnifiques cavaliers, tels que, il y a 40 ans, aux jours orgueilleux de notre jeunesse et de notre force, ils se précipitaient, balayant tout, à ma suite. Alors je n'y tins plus, je brandis ma canne. « En avant » m'écriai-je, « chargez, vive l'empereur !» Mais quoi ? Cette pauvre voix flûtée, était-ce bien la même qui jadis roulait comme la foudre sur les deux ailes d'une brigade ? Ce bras, qui pouvait à peine agiter un bâton, était-ce le même dont les muscles de fer et de feu n'avaient pas eu leur pareil dans toute l'armée de Napoléon ? On sourit, on m'acclama. L'empereur, en s'inclinant, se mit à rire. « Que voulez-vous ? Le présent pour moi n'était qu'un rêve. Il n'y avait de réel que l'ancien Étienne Gérard et ses 800 hussards. N'y pensons plus. Un homme de cœur doit savoir faire tâte à l'âge et à la destinée, comme jadis aux Uhlans et aux Cosaques. N'empêche qu'il y a des jours où un verre de Montrachet vaut tous les Bordeaux. C'est en Russie qu'on va se battre nos hommes. Je vous raconterai donc une histoire de Russie. Quel cauchemar quand j'y repense. Du sang et de la glace. De la glace et du sang. Des têtes farouches avec de la neige sur les favoris. Des mains bleues se tordant pour implorer une aide. Sur l'immense plaine blanche, l'interminable ligne de fantômes en marche, cheminant, se traînant, kilomètre après kilomètre. Et toujours la même plaine, la même blancheur, tantôt limitée par des bois de sapin, tantôt ne finissant qu'au bord d'un ciel glacé et limpide, et toujours cette ligne noire, marchante et trébuchante. Épuisé, affamé, déguenillé, gelé au fond de l'âme, on ne regardait ni à droite ni à gauche. Le cou enfoncé dans les épaules, courbant le dos, on s'en allait, tirant la jambe, devant soi, toujours devant soi, vers la France, comme des animaux blessés s'en vont vers leur tanière. Nul bruit, qu'un piétinement presque étouffé par la neige. Une seule fois, j'entendis des rires. Nous approchions de Vilna, lorsqu'un aide-de-camp venu à la rencontre de l'épouvantable colonne demanda si c'était la grande armée. À cette question, les premiers rangs se retournèrent. Voyant ces débris d'hommes, ces lambeaux de régiments, ces squelettes en bonnet à poils, qui naguère encore étaient la garde, ils éclatèrent de rire, et leur rire gagna de proche en proche, tout le long de la colonne, en crépitant comme un feu de joie. J'ai entendu de ma vie bien des cris, bien des gémissements, bien des plaintes, mais jamais rien d'aussi terrible que ce rire de la grande armée. D'où vient que, réduits à l'impuissance, ces hommes n'étaient pourtant pas détruits par les Russes? D'où vient qu'ils n'étaient pas tués à coups de lance par les Cosaques, ni enlevés comme du bétail et emmenés prisonniers au fond de la Russie? Quand, de tous côtés, vous regardiez la longue file noire se tordre sous la neige, vous aperceviez aussi, sur chaque flanc et par derrière, des ombres qui allaient et venaient. Vous auriez dit des nuages poussés à la dérive. C'étaient les Cosaques, bandes de loups acharnés à rôder autour du troupeau. S'ils n'attaquaient pas, c'est que toutes les glaces de la Russie n'avaient pas refroidi le cœur des nôtres. Omnouchev était toujours prêt, chez nous, à se jeter entre ces sauvages et leurs proies. Un d'entre eux, notamment, ne fit que grandir avec le danger et rendre plus glorieux, dans le désastre, un nom illustré par la victoire. « Je bois un nez, le lion rouge. » Il n'avait qu'à regarder par-dessus son épaule pour que l'ennemi tremblât de l'approcher. Son grand visage blême se convulsait de fureur. Ses yeux clairs jetaient des flammes. Sa voix grondait et retentissait dans le roulement de la mousqueterie. Son bicorne ciré, sans plume, fut, en ces jours affreux, l'enseigne où se ralliait la France. On sait que ni les hussards de Conflans ni moi n'étions à Moscou. On nous avait laissés à Borodino, sur les lignes de communication. Comment l'empereur avait pu s'avancer sans nous, c'est une chose incompréhensible. Et le fait est que pour la première fois, je sentis que son jugement faiblissait, qu'il n'était plus le même homme. Mais un soldat ne connaît que sa consigne. Je restai donc dans ce village, emprisonné par les cadavres de 8000 hommes tués dans la grande bataille qui lui devait son nom. J'y passai la fin de l'automne à refaire mes chevaux et à rééquiper mes hommes, de sorte qu'au moment où l'armée se replia sur Borodino, les hussards de Conflans, étant ce qui restait de mieux comme cavalerie, Ney les prit sous ses ordres à l'arrière-garde. Comment n'eût-il pas recouru à nous en ces tristes heures? « Ah, Gérard !» me dit-il un soir. « Mais je n'ai pas à vous répéter ces paroles, qu'il vous suffise de savoir qu'elles traduisaient le sentiment de l'armée entière. L'arrière-garde couvrait l'armée. Les hussards de Conflans couvraient l'arrière-garde. Voilà toute la vérité en deux phrases. Continuellement, les Cosaques nous harcelaient. Continuellement, nous les tenions à distance. Il ne se passait pas de jour que nous n'eussions à essuyer nos sabres. C'était de l'art militaire, je vous en réponds. Mais un moment arriva, entre Vilna et Smolensk, où la situation devint impossible. Nous pouvions braver les Cosaques et le froid, mais la faim. Il nous fallait, de toute nécessité, trouver de la nourriture. Cette nuit-là, Ney me fit appeler. Il couchait dans un fourgon. Sa grande tête perdue entre ses deux mains, il semblait mortellement fatigué d'esprit et de corps. « Colonel Gérard, me dit-il, nos affaires vont très mal. Les hommes meurent de faim. Coûte que coûte, il nous faut des vivres. Sacrifiez les chevaux, dis-je. À part votre poignée de cavalier, rien ne reste. Démontez la musique. » Il eut, malgré son désespoir, la force de rire. « Pourquoi la musique? Les combattants sont plus précieux. » À la bonne heure, vous jouerez la partie jusqu'à la dernière carte, c'est aussi mon avis. À la bonne heure, Gérard, à la bonne heure. » Et m'empoignant les mains, « Nous n'avons plus qu'une chance, Gérard. » Il décrocha la lanterne pendue au toit du fourgon et la posa sur une carte déployée devant lui. Au sud de l'endroit où nous sommes, il y a une ville du nom de Minsk. Je tiens d'un déserteur russe qu'une grande quantité de blé y a été emmagasinée à la mairie. Vous allez prendre le nombre de cavaliers que vous jugerez utile, vous partirez pour Minsk, vous saisirez le blé, vous le chargerez sur tout ce que vous trouverez de charrettes dans la ville et vous l'amènerez du côté de Smolensk. Si vous échouez, nous n'y perdons qu'un détachement. Si vous réussissez, l'armée vous doit une vie nouvelle. » C'était mal s'exprimer. En cas d'échec, il y allait de tout autre chose que d'un détachement perdu, car la qualité ne vaut pas moins que le nombre. Mais quelle mission honorable et quel risque glorieux! Je dis au maréchal que si le succès ne dépendait que du pouvoir des hommes, il pouvait compter sur le blé de Minsk. J'ajoutai quelques mots si brûlants sur le devoir du brave, que tout ému, il se leva, et me prenant affectueusement par les épaules, me poussa hors du fourgon. Pour réussir dans une entreprise de ce genre, je devais, de toute évidence, ne prendre qu'un petit détachement et me fier à la surprise. Un grand détachement ne pourrait se dissimuler. Il aurait de la peine à se nourrir. Les Russes qui rôdaient autour de nous se concerteraient pour le détruire. Puis, un faible parti de cavalerie qui passerait, en se dérobant, à travers les Cosaques, ne verrait sans doute plus devant lui rien qui gênât son avance, car nous savions que la principale armée russe se trouvait à plusieurs jours de marche derrière nous et le blé de Minsk lui était probablement destiné. Un escadron de hussards, renforcé de 30 lanciers polonais, me parut suffisant pour l'aventure. Nous quittâmes le camp le soir même, nous dirigeons au sud vers Minsk. Heureusement, la lune était encore dans son premier quartier. L'ennemi nous laissa passer bien tranquille. À deux reprises, nous vîmes briller des feux. La neige, alentour, se hérissait de longues perches. C'étaient les lances des Cosaques, fichées en terre toutes de droite pendant qu'ils dormaient. Avec quelle joie nous aurions chargé. Nous avions à venger bien les injures. Et les yeux de mes camarades allaient, avec une ardeur impatiente, de mes propres yeux à ces clartés rouges qui palpitaient dans les ténèbres. J'eus, ma foi, quelques démangeaisons de montrer à l'ennemi qu'il valait mieux se tenir à distance respectueuse de l'armée française. Mais un bon chef a pour principe de ne rien faire qu'en temps opportun. Nous poursuivîmes donc notre chevauchée silencieuse sur la neige, laissant à notre droite et à notre gauche les bivouacs des Cosaques. Une ligne de feu pointillait derrière nous le ciel noir, nos malheureux soldats s'efforçaient de prolonger une vie qui ne leur promettait qu'un lendemain de privation et de misère. Nous allâmes toute la nuit, tournant le dos à l'étoile polaire. Il y avait sur la neige de nombreuses pistes que nous avions soin de suivre pour qu'on ne relevât point les traces de notre passage. Ce sont là de ces menues préoccupations où se reconnaît l'officier expérimenté. D'ailleurs, en suivant les pistes, nous avions plus de chances de rencontrer des villages, et les villages seuls pouvaient nous procurer de la nourriture. L'aube nous surprit dans un bois de sapins. Les arbres y étaient si drus, les branches si chargées de neige, que la lumière y filtrait à peine. Quand nous en sortîmes, il faisait jour. Le soleil commençait d'élever son disque au bord de l'étendue blanche qui l'empourprait de l'un à l'autre bout. Je fis faire halte à mes hommes sous la protection d'un bois et j'étudiais le pays. Nous étions proches d'une petite ferme. Au-delà se montrait un village distant de plusieurs kilomètres. Enfin, sur la ligne de l'horizon, une grande ville érigeait les tours de ses églises. Nulle part, on ne voyait aucun signe d'une troupe. Évidemment, nous étions passés à travers les Cosaques. Il n'y avait plus rien pour nous séparer du but. Mes hommes, en l'apprenant, poussèrent une clameur de joie. Nous nous dirigeâmes rapidement vers le village. J'ai dit que dans notre voisinage immédiat se trouvait une petite ferme. Comme nous en approchions, je vis qu'un beau cheval gris, portant une selle militaire, était attaché près de la porte. Je piquai des deux, mais au même instant, un homme se précipitait hors de la maison, sautait sur le cheval et partait d'un train d'enfer, soulevant dans sa fuite un tourbillon de neige. À ses épaulettes d'or, que le soleil faisait reluire, je connus que c'était un officier russe. Il allait ameuter le pays si nous le rattrapions. J'enfonçai mes éperons aux flancs de violette. Mes hommes me suivirent. Mais il n'avait pas un seul cheval qui pût se comparer à ma jument, et je n'avais que faire de leur concours si je ne rejoignais le russe. Il faut être un cavalier habile et tenir une fameuse bête entre ses genoux, pour prétendre échapper à Violette quand elle porte Étienne Gérard. Si bien qu'il monta, ce jeune russe, peu à peu, je gagnais sur lui. Il regardait constamment par-dessus son épaule, et j'apercevais son visage, un beau visage brun avec des yeux d'aigle. Près de le rattraper, je le vis qui mesurait entre nous la distance. Une détonation se fit entendre. Une balle de pistolet me siffla dans l'oreille. Je fus sur lui avant qu'il eût le temps de dégainer. Mais il poussa de nouveau son cheval et nous continuâmes de galoper dans la plaine, botte contre botte, ma main gauche sur son épaule droite. Le voyant porter quelque chose à sa bouche, je le tirai à moi, je le couchai sur le pommeau de ma selle et le pris à la gorge de façon qu'il ne pût avaler. Son cheval se détacha de lui, mais je ne lâchai pas prise. Violette s'arrêta d'elle-même. Le maréchal des logis Houdin, des hussards, fut le premier près de nous. C'était un vieux soldat, il n'eut besoin que d'un coup d'œil pour tout comprendre. « Tenez-le bien, mon colonel, me dit-il, je me charge du reste. » Il sortit de sa poche un couteau, dont il inséra la lame entre les dents serrées du russe, le forçant ainsi à ouvrir la bouche et découvrant, entre la langue et le palais, la boulette de papier que l'autre aurait tant voulu faire disparaître. Quand il s'en fut emparé, je relâchai mon étreinte. Je ne doutais pas que le papier ne fût un message d'importance, car mon prisonnier, bien qu'à demi étranglé, le considérait d'une manière significative. Il tordait ses mains, dans le désespoir où il était, de ne pouvoir me le reprendre. Cependant, il haussa les épaules et sourit d'un air de bonne humeur quand je m'excusai de ma rudesse. « Et maintenant aux affaires, » dis-je, après qu'il eut toussé et craché tout son sou, « votre nom ?»« Alexis Barakoff. »« Votre régiment ? » ?»« Votre grade ?»« Capitaine au dragon de Grodno. » »« Qu'est-ce que ce billet ?»« Un mot pour ma bonne amie. » »« Qui s'appelle, à ce qu'il paraît, Hetman Platov, » dis-je en examinant l'adresse. « Voyons, monsieur, voyons, ceci est un important document militaire, le message d'un général à un autre. Veuillez tout de suite m'en faire connaître la teneur. Lisez, vous la connaîtrez par vous-même. » Il s'exprimait en excellent français, comme font tous les Russes de bonne condition. Mais il savait qu'il n'y avait pas dans l'armée française un officier sur 1000 en état de déchiffrer un texte russe. Le billet ne contenait qu'une ligne, qui était la suivante. « Chez Franzusi, Pridut, Viminsk, Mi Gotovi. » Je regardai cela longuement, les yeux écarquillés, et je hochai la tête. Puis je le montrai à mes hussards, ils n'y virent que de l'hébreu. Quant aux Polonais, c'étaient tous de pauvres êtres mal dégrossis, ne sachant ni lire ni écrire, à l'exception de leur maréchal des logis, qui venait de Memel, en Prusse orientale, et n'entendait pas un mot de russe. Il y avait de quoi me mettre hors de moi, car je me sentais en possession d'un grave secret que je pouvais ne pas arriver à élucider, quand le salut de notre armée en dépendait peut-être. J'essayai de fléchir l'obstination de notre prisonnier. J'offris de lui rendre la liberté s'il me traduisait le message. Il se contenta de sourire, et je ne me défendis pas de quelque admiration. À sa place, j'aurais souri de même. « Au moins, lui dis-je, apprenez-moi quel est ce village. »« Dobrova. Et cette ville là-bas, c'est Minsk, je suppose. »« C'est Minsk. »« Allons donc jusqu'au village. Nous y trouverons bien quelqu'un pour me traduire votre dépêche. » Nous reprîmes notre route. Deux hommes, la carabine au poing, escortaient le prisonnier. Le village était tout petit. J'en fis barrer l'unique rue à ses deux extrémités, afin que personne ne s'échappât. Ensuite, je commandai le repos. Hommes et chevaux avaient besoin de se restaurer. Ils marchaient depuis la veille au soir et avaient encore un long trajet en perspective. Au centre du village s'élevait une grande maison de pierre. Je m'y rendis en voiture. Un prêtre y habitait. Ce vieillard bourru, tout barbouillé de tabac, ne fit à nos questions que des réponses inciviles. S'il avait la plus laide figure de ma connaissance, je n'en dirais pas autant de sa fille, qui tenait sa maison. C'était, chose peu commune en Russie, une brune au teint de lait, avec des cheveux d'un noir de corbeau, et la plus belle paire d'yeux sombres qui jamais s'embrasèrent à la vue d'un hussard. Je compris au premier coup d'œil qu'elle m'appartenait. Certes, pour l'instant, j'avais affaire non pas l'amour, mais mon devoir. N'empêche que, tout en prenant le modeste repas qui m'était offert, je bavardais légèrement avec elle. En moins d'une heure, nous fûmes les meilleures amies du monde. Elle se nommait Sophie. Je lui appris à m'appeler Étienne. Comme elle semblait triste et qu'il y avait même des larmes dans ses magnifiques yeux, j'essayai de la remonter. Je la pressai de me confier l'objet de ses peines. « Comment » fit-elle, parlant le français avec le zézément le plus adorable, « comment ne serais-je pas triste lorsqu'un de mes compatriotes est captif entre vos mains? Je l'ai vu gardé par vos hussards au moment où vous entriez dans le village. « C'est la fortune de la guerre, » dis-je. « Aujourd'hui son tour, demain peut-être le mien. « Songez, monsieur... Étienne. « Oh, monsieur... Étienne. « Eh bien donc, Étienne, » s'écria-t-elle, belle de confusion et de désespoir, « songez que chez les vôtres, ce jeune homme mourra de faim et de froid. Quel pourrait être le sort d'un prisonnier quand vos soldats souffrent eux-mêmes un tel dénuement ? » Je haussai les épaules. « Vous avez l'air bon, Étienne. Vous ne voudrez pas condamner cet homme à une mort certaine. Je vous supplie de le laisser aller. » Sa main délicate s'appuyait sur ma manche, ses yeux m'imploraient. Il me vint une idée. J'accédai à sa requête, mais je lui demanderai en retour une faveur. J'ordonnai qu'on m'amenât le prisonnier. « Capitaine Barakoff, lui dis-je, cette dame me prie de vous rendre la liberté. » « J'y suis tout prêt si vous me donnez votre parole de ne pas quitter cette maison avant 24 heures et de ne rien faire pour informer qui que ce soit de nos mouvements. »« Je vous la donne, » me répondit-il. « C'est donc à votre honneur que je me fie. Un homme de plus ou de moins, cela ne peut vraiment faire une différence dans la lutte de deux grandes armées. et vous emmener avec nous serait-vous condamné à la mort. Monsieur, vous êtes libre. Ne m'en témoignez point de gratitude. Sachez seulement le reconnaître la première fois qu'un officier français tombera en votre pouvoir. » Quand il fut sorti, je tirai mon papier de ma poche. « À présent, Sophie, dis-je, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Ce que je vous demande avant tout, c'est de me donner une leçon de russe. « Bien volontiers, » répondit-elle. « Commençons par ceci, » continuai-je en étalant le papier devant moi. « Procédons mot à mot. Voyons ce que signifie cette phrase. » Elle regarde le billet avec une certaine surprise. « Cette phrase, expliqua-t-elle, signifie que tout est perdu pour nous si les Français arrivent à Minsk. » Soudain, un air de consternation se répandit sur son visage. « Juste ciel, qu'ai-je fait ? » s'écria-t-elle. « J'ai trahi mon pays. » Vos yeux, Étienne, étaient les derniers à qui fut destiné ce message. Comment avez-vous pu abuser de la candeur, de la confiance d'une pauvre fille pour lui faire trahir son pays ? Je consolai du mieux que je pus ma pauvre Sophie. Elle n'avait rien à se reprocher. Un vieux routier, un malin comme moi, avait eu trop beau jeu avec elle. Mais ce n'était pas l'heure des conversations. Il ressortait du message intercepté qu'il y avait du blé à Minsk et pas de troupes pour le défendre. Je courais à la fenêtre. Je commandai qu'on sonnât le Poutzel. 10 minutes plus tard, nous avions quitté le village et chevauchons gaillardement dans la direction de la ville. Enfin, comme le soleil penchait vers l'ouest, nous nous engageâmes au galop dans la grande rue, accueillis par les cris des moujiks et les lamentations des femmes. Arrivé devant l'hôtel de ville, je rangeai mes cavaliers sur la place, puis, avec mes 2 maréchaux des logis, Houdin et Papillette, je fis irruption dans le bâtiment. Seigneur, oublierai jamais le spectacle qui nous y attendait. En face de nous se déployaient sur 3 rangs des grenadiers russes. Ils épaulèrent leurs fusils au moment où nous entrions et nous envoyèrent à bout portant une salve. Houdin et Papillette tombèrent, criblés de balles. Mon colbac avait sauté, j'avais 2 trous dans mon dolman, les grenadiers me chargèrent à la baïonnette. « Trahison ! » m'écriai-je, « nous sommes trahis, que personne ne descende de cheval !» Et je m'élançai sur la place. Mais déjà, elle fourmillait de troupes ennemies. Les dragons, des cosaques, fondaient sur nous de toutes les rues voisines. Un feu roulant partait des maisons. La moitié de mes hommes et de mes chevaux avaient mordu la poussière. « Suivez-moi ! » hurlai-je. Et d'un bond, j'enfourchai Violette. Au même instant, un officier de dragon, une espèce de colosse, me prenait à bras-le-corps et tous les deux nous roulâmes à terre. Je le vis faire le geste de me percer avec son sabre, mais il changea brusquement d'idée, me saisit à la gorge, me cogna le crâne sur les pavés jusqu'à ce que j'eusse perdu connaissance. Et c'est ainsi que je devins prisonnier des Russes. Revenu à moi, je regrettais que l'homme qui m'avait pris ne m'eût pas cassé la tête. Une moitié des nôtres, tués ou blessés, gisaient sur la grande place de Minsk, au milieu d'une foule exultante. Le reste, rassemblé sous le porche de l'hôtel de ville, formait un groupe mélancolique gardé par une sotnière de cosaques. Hélas, que pouvais-je dire? Que pouvais-je faire? J'avais moi-même jeté mes hommes dans une embûche savamment préparée. L'ennemi, abeuvant de notre mission, il avait pris ses mesures. Pourtant, si j'avais, au mépris de toute précaution, couru droit sur la ville, c'était à cause de cette dépêche venue en ma possession à l'improviste. Comment expliquer cela? Les pleurs m'inondaient les joues, tandis que je contemplais les débris de mon escadron et que je songeais à l'angoisse des nôtres, attendant les vivres que je devais leur apporter. Ney s'était fié à moi, j'avais échoué. Que 2 fois il parcourait du regard l'étendue des neiges sans que l'apparition d'un convoi de grains dût réjouir sa vue. Mon sort personnel ne laissait pas d'être pénible. Un exil en Sibérie était vraisemblablement ce que l'avenir me réservait de plus heureux. Et malgré tout, croyez-le mes amis, ce n'est pas sur lui-même, c'est sur ses camarades, mourant de faim, qu'Étienne Gérard versait des larmes, aussitôt gelées que répandues. « Qu'est-ce que cela ? » fit à mon côté une voix brusque. Je me retournai, et je vis le grand dragon à barbe noire qui m'avait arraché de ma selle. « Un Français qui pleure ! Je croyais que la Corse était suivie par des hommes, non par des enfants. Si nous étions seuls, vis-à-vis l'un de l'autre, répliquai-je, nous verrions bien lequel, de vous, de moi, est un homme. Pour toute réponse, la brute me donna un soufflet. Je l'empoignai par le cou, mais une dizaine de soldats me firent lâcher prise, et il me frappa de plus belle pendant qu'on me tenait les mains. « Sale chien ! » m'écriai-je. « Est-ce donc ainsi que l'on traite un officier et un homme d'honneur ?»« Nous ne vous avons pas demandé de venir en Russie. Acceptez qu'on vous y traite comme on peut. Je vous ferai fusiller sans hésitation s'il ne dépendait que de moi. » Un jour ou l'autre, vous me rendrez raison de tout ceci, m'écriai-je en étanchant le sang qui ruisselait de ma moustache. Si l'Etman veut m'en croire, avant demain vous ne serez plus de ce monde, répondit-il avec un clignement féroce. Il ajouta quelques mots de russe à l'adresse de ses soldats, qui enfourchèrent aussitôt leurs montures. On amena ma pauvre Violette, aussi misérable à voir que son maître, et l'on m'enjoignit de me remettre en selle. Puis, on me noua au bras gauche une lanière, dont on fixa l'autre bout à l'étrier d'un sous-officier des dragons, et je quittai Minsk dans cet appareil avec le reste de ma troupe. Je n'avais jamais vu un brutal comme ce Sergine qui commandait l'escorte. L'armée russe contient tout à la fois du très bon et du très mauvais, mais nulle part, sauf dans les guérillas de la péninsule, il ne s'était, au souvenir, rien rencontré de pire que ce major des dragons de Kiev. Grand, l'air dur et cruel, il avait une barbe noire mal peignée qui lui tombait jusque sur la cuisse. J'ai su depuis qu'on le réputait pour sa vigueur autant que pour sa bravoure. En tout cas, je puis répondre, pour n'avoir fait l'expérience, quand il me descendit de ma bête, que sa poigne valait l'étreinte d'un ours. Il ne manquait pas d'un certain esprit de son cru et faisait à mes dépens force plaisanteries dont le sens m'échappait, car il s'exprimait dans sa propre langue, mais qui divertissait prodigieusement ses dragons et ses cosaques. Deux fois, il fustigea mes camarades avec sa cravache. Une troisième fois, comme il s'approchait de moi, la mèche haute, il lut dans mes yeux quelque chose qui l'arrêta net. Ainsi maltraité, humilié, mourant de faim et de froid, nous continuâmes d'aller, colonne lamentable, à travers la vaste plaine neigeuse. Le soleil s'était couché, un long crépuscule du nord traînait ses feux dans le ciel, que nous poursuivions encore cette marche languissante. Engourdi, transi, la tête douloureuse des coups que j'avais reçus, je me laissais mener par Violette. À peine savais-je où j'étais, où j'allais. Ma petite jument s'avançait le front bas, ne se redressant que pour hennir son mépris au poney galeux des cosaques. Soudain, l'escorte fit halte, je m'aperçus que nous venions d'entrer dans l'unique rue d'un petit village. Il y avait d'un côté une église, de l'autre une grande maison de pierre qu'il me sembla reconnaître. Je regardai autour de moi, et dans les dernières lueurs crépusculaires, je vis qu'on nous avait ramenés à Dobrova. La maison était celle du prêtre, chez qui nous nous étions arrêtés le matin. J'allai revoir la charmante Sophie, qui, en me traduisant avec candeur le malencontreux message, nous avait si étrangement poussé à notre perte. Penser que quelques heures auparavant, nous emportions d'ici tant de beaux espoirs, en assurant dans le succès de notre mission, et que ce qu'il restait de nous, battus, bafoués, allait subir la loi d'un ennemi implacable. Mais tel est le destin du soldat, mes amis. Aujourd'hui les baisers, demain les coups. Le vin de Tokaï dans un palais, l'eau du fossé dans une bicoque. Les fourrures ou les guenilles. La bourse pleine ou le gousset vide. Balloté d'un extrême à l'autre, on n'a rien où se rattacher. Que deux choses immuables, le courage et le sentiment de l'honneur. Les Russes mirent pied à terre. Mes pauvres camarades reçurent l'ordre d'en faire autant. Le soir était tombé. Apparemment, nous allions passer la nuit dans le village. Les paysans, apprenant notre capture, se livrèrent à de grandes démonstrations de joie. Ils sortirent en hâte de leur maison avec des torches enflammées. Les femmes apportèrent du thé et de l'eau-de-vie pour les cosaques. Je remarquai dans la foule le vieux prêtre. Il était à présent tout sourire. Il tenait un plateau sur lequel fumait un punch dont le parfum me revient encore. Derrière lui venait Sophie. Je la vis avec horreur serrer la main du major Sergine en le félicitant de sa victoire. Cependant, le vieux prêtre me regardait avec insolence, faisant sur moi des observations injurieuses et me désignant de sa main malpropre et desséchée. Quant à Sophie, elle ne disait rien, mais je pouvais lire une tendre pitié dans ses yeux noirs. Tout à coup, se rapprochant du major Sergine, elle lui dit, en russe, je ne sais quoi, qui lui fit froncer les sourcils et hocher impatiemment la tête. Puis il me sembla qu'elle l'implorait. Je les observais, la belle jeune fille et l'homme farouche, tous les deux arrêtés dans le faisceau de lumière que projetait la porte de la maison restée ouverte, et un instinct m'avertissait que mon sort se débattait entre eux. Longtemps, le major se contenta de hocher la tête, mais enfin, il parut s'adoucir et se rendre. Il se tourna vers l'endroit où je me tenais, gardé par le sous-officier de dragon. « Ces bonnes gens vous offrent pour la nuit l'hospitalité de leur toit, » me dit-il en me toisant d'un regard tout chargé de haine. « Il m'est difficile de leur refuser mon consentement, mais je vous déclare que pour moi, je préférerais vous voir coucher sur la neige. Cela vous rafraîchira le sang, coquin de français. » « Vous êtes né sauvage, vous mourrez sauvage, » lui répondis-je, le dévisageant de mon air le plus dédaigneux. Piqué au vif, il proféra un juron, levant sa cravache comme pour me battre. « Silence, chien essorié » cria-t-il. « Pour peu que je fusse maître de mes actes, je vous guérirai de votre insolence avant qu'il soit demain. » Dominant sa fureur, il se retourna vers Sophie avec des façons qui voulaient être galantes. « Si vous avez une cave munie d'une bonne serrure, on peut y mettre ce drôle pour la nuit, puisque vous lui faites l'honneur de vous intéresser à son bien-être. Mais j'entends qu'il s'engage d'honneur à ne nous jouer aucun vilain tour, car je réponds de lui jusqu'à l'heure où demain matin, je l'aurai livré à Letman Platov. » Tant de superbe m'exaspéra. Il s'était exprimé en français afin que je ne perdisse rien de ce qu'il y avait de mortifiant pour moi dans ses paroles. « Je n'accepte de vous aucune faveur, dis-je. Faites à votre guise. Je me refuse à l'engagement que vous demandez. » Il haussa ses larges épaules et se détournant comme si la discussion était close. « À votre aise, mon garçon, mais tant pis pour vos mains et vos pieds. Nous verrons en quel état vous serez demain, après une nuit sur la neige. »« Un instant, Major Sergine, » s'écria Sophie, « ne soyez pas si dur pour le prisonnier. Il a des titres spéciaux à notre bienveillance. » Le Russe nous examina tour à tour d'un œil soupçonneux. « Des titres spéciaux. Vous semblez porter un intérêt bien curieux à ce Français. » Le premier de ces titres, c'est qu'il a ce matin, de lui-même, remis en liberté le capitaine Alexis Barakoff des hussards de Grodno. « En effet, » dit Barakoff, qui venait de sortir de la maison, « il m'avait fait prisonnier ce matin, et plutôt que de m'exposer à mourir en m'emmenant avec lui, il me relâcha sur parole. « Puisque, » reprit Sophie, « le colonel Gérard s'est conduit avec tant de générosité, vous nous permettrez bien, à présent que la fortune a changé, de lui offrir, contre les rigueurs du froid, le pauvre abri de notre cave. Ce ne sera qu'une faible marque de notre reconnaissance. » Mais le major s'obstinait dans son mauvais vouloir. « Il me donne d'abord sa parole de ne pas chercher à s'évader. Vous m'entendez, monsieur? Me donnez-vous votre parole? Je ne vous donne rien, » dis-je. Sophie intervint encore, et m'adressant le plus cajoleur des sourires, « Colonel Gérard, vous allez me la donner à moi, votre parole. Vous, je n'ai rien à vous refuser, mademoiselle, et je vous la donne avec plaisir. Il suffit. Vous voilà satisfait. Major Sergine, s'exclama-t-elle, triomphante. Vous l'avez entendu, il m'a donné sa parole, elle vous répond de lui. » Mon ours russe grommela un vague assentiment, et l'on m'emmena dans la maison, suivi du prêtre, qui s'était de nouveau renfrogné, et du grand dragon à barbe noire. Il y avait au sous-sol un vaste local où l'on gardait le bois pour l'hiver. On m'y fit descendre en m'informant que j'y passerais la nuit. L'endroit était glacial, dallé de pierre, nu. D'un côté seulement, les piles de bûches s'y amoncelaient jusqu'au plafond. On n'y voyait, en fait de fenêtres, qu'une ouverture latérale pratiquée dans l'épaisseur de la muraille et garnie de solides barreaux de fer. J'avais, pour m'éclairer, une grande lanterne d'écurie qui pendait à une porte basse. Le major Sergine sourit en l'attirant à lui, pour projeter la lueur jusque dans les moindres coins. « Que vous semble de nos hôtels russes, monsieur ?» me demanda-t-il avec une méchanceté sarcastique. « Ils ne sont pas très grands, mais c'est ce que nous avons de mieux à vous offrir. La prochaine fois qu'il vous prendra en fantaisie de voyager, monsieur le Français, peut-être choisirez-vous un pays où vous trouverez mieux vos aises. » Son rire découvrit l'éclatante blancheur de ses dents sous sa barbe. Il me quitta là-dessus, et j'entendis la clé grincer dans la serrure. Assis sur un tas de fagots, je demeurai toute une heure accablé, frissonnant de corps et d'âme, l'esprit occupé des plus tristes pensées. Si froid qu'il fit entre ces murs, je sonnai à mes pauvres soldats, forcés de coucher dehors, et je compatissais à leur infortune. Enfin, je me levai, Je me mis à marcher de long en large, frappant mes mains l'une contre l'autre, battant la semelle contre la muraille pour n'avoir pas les pieds gelés. La lampe ne donnait qu'une chaleur à peine sensible et je n'avais pas mangé de toute la journée. Il me sembla que tout le monde m'oubliait. Cependant, un moment vint où la clé tourna dans la serrure. Je vis entrer mon prisonnier du matin, le capitaine Alexis Barakoff. Il avait sous le bras une bouteille et portait une grande assiette de ragoût fumant. « Chut ! » fit-il. « Pas un mot. Courage. Je ne puis m'expliquer. Sergine est encore avec nous. Restez éveillés et tenez-vous prêts. » Ayant ainsi parlé tout d'un trait, il posa devant moi la bouteille et la bienheureuse assiette, puis il sortit. « Restez éveillés et tenez-vous prêts. » Ces paroles me bourdonnaient dans l'oreille. Je mangeais, je bus. Mais ce qui me réchauffait le cœur maintenant, ce n'était ni la nourriture ni le vin. Que signifiaient les paroles de Barakoff ? Pourquoi devais-je rester éveillé ? À quoi devais-je me tenir prêt ? Se pouvait-il que j'eusse encore une chance de fuite ? Je n'avais jamais estimé l'homme qui, négligeant habituellement ses prières, prie à l'heure du péril. Il ressemble au mauvais soldat qui attend, pour respecter son colonel, d'avoir à lui demander une faveur. Mais dans l'alternative, ou de faire connaissance avec les mines de la Sibérie, ou de retourner près de ma mère en France, je ne pus empêcher qu'une prière s'éleva, sinon de mes lèvres, au moins du fond de mon âme, pour que les paroles de Barakoff eussent bien le sens que leur prêtait mon espoir. Hélas, les heures, une à une, s'égrenèrent à l'horloge du village. Nul bruit ne m'arrivait que les appels des sentinelles au dehors. Soudain, le cœur me battit avec violence. Je venais d'entendre un pas très léger dans le couloir voisin. L'instant d'après, la porte s'ouvrait, Sophie entra. « Monsieur, me cria-t-elle, Étienne, lui dis-je, toujours le même. Et quoi est-il possible que vous ne me haïssiez pas, que vous me pardonniez de m'être joué de vous ? Joué de moi, comment ? Vous n'avez donc pas compris ? Ces dépêches que vous m'aviez demandé de vous traduire, je vous ai dit qu'elles signifiaient « Si les Français viennent à Minsk, tout est perdu pour nous. » Eh bien ? Eh bien, elles signifiaient en réalité « Laissez les Français venir à Minsk, nous les y attendons. » Je fis un bond en arrière. « Vous m'avez trahi ! » m'écriai-je. « Vous m'avez attiré dans un piège. Je vous dois la mort de mes hommes. » Mais aussi, qu'allais-je me fier à une femme ? Pas d'injustice, colonel Gérard, je suis russe, mon pays avant tout. Reprocheriez-vous à une Française d'avoir, en pareil cas, agi comme je l'ai fait ? Si je vous avais fidèlement traduit ce message, vous n'auriez pas été à Minsk, votre escadron nous eût échappé, dites-moi que vous me pardonnez. Elle avait un charme ensorceleur, tandis que, droite devant moi, elle plaidait ainsi sa cause. Mais pensant à mes hommes morts, je refusai la main qu'elle me tendait. « Soit, dit-elle, vous songez aux vôtres. Je songe aux miens. Nos sentiments se valent. Mais dans cette maison même, colonel Gérard, vous avez prononcé une parole sage et bonne. Vous avez dit, un homme de plus ou de moins, cela ne peut faire de différence dans la lutte de deux grandes armées. La noble leçon que vous donniez n'aura pas été perdue. Derrière ces piles de bois, il y a une porte où l'on n'a pas mis de sentinelle. En voici la clé. « Fuyez, colonel Gérard, j'espère que nous ne nous reverrons plus. » Je restai un moment cloué sur place, la clé dans les doigts, un vertige dans la tête. Enfin, je rendis la clé à Sophie. « Je ne peux m'en servir, lui dis-je. Pourquoi ? J'ai donné ma parole. À qui ? Mais à vous. Je vous la rends. » Mon cœur sursauta de joie. Elle disait vrai. Je n'avais pas voulu me lier envers Sergine. Je ne me reconnaissais point d'engagement envers lui. Si elle me rendait ma parole, mon honneur était sauf. Je repris la clé. « Vous trouverez le capitaine au bout de la rue, » reprit-elle. « Nous autres gens du Nord savons n'oublier ni une injure ni un bienfait. Votre jument et votre sabre vous attendent. Ne tardez pas, il sera l'aube dans 2 heures. » C'est ainsi que de ma prison, je passais sous le ciel étoilé. Une dernière fois, j'entrevis Sophie qui me suivait des yeux par l'ouverture de la porte. Elle me regardait avec mélancolie. Sans doute avait-elle espéré mieux qu'un froid remerciement. Mais l'homme le plus humble a sa fierté. J'étais blessé dans mon amour-propre par la façon dont elle avait surpris ma bonne foi. Je n'aurais pu condescendre à lui baiser les mains, encore moins les lèvres. La porte donnait sur une étroite allée, au bout de laquelle je vis la forme obscure d'un homme emmitouflé de pied en cap et tenant Violette par la bride. Vous m'aviez demandé d'être charitable pour le premier Français que je verrais dans la détresse, me dit le capitaine. Bon voyage et bonne chance. Et comme je sautais en selle, « Rappelez-vous, murmura-t-il, que le mot d'ordre est « Vuelta va ».» La recommandation n'était pas inutile. Je rencontrai deux fois des postes de Cosaques avant d'être sorti des lignes russes. Les dernières venaient de dépasser. Je me croyais redevenu libre quand j'entendais un bruit sourd et régulier derrière moi sur la neige. Un homme de stature imposante, monté sur un grand cheval noir, arrivait, poussant vivement sa bête. Mon premier mouvement fut d'éperonner Violette, mais je vis que le cavalier avait une cuirasse, que sur cette cuirasse s'étalait sa barbe brune, alors je fis halte et je l'attendis. « Je savais bien que c'était vous, chien de français !» me cria-t-il, en laissant vers moi son sabre. « Vous avez trahi votre parole, coquin !» Je n'avais point donné ma parole. « Mensonge infâme !» Je regardai autour de nous. Personne. Les vedettes étaient immobiles à distance. Nous étions seuls, avec la lune sur nos têtes et la neige à nos pieds. La fortune me secondait encore. « Je ne vous avais point donné ma parole. Vous l'aviez donnée à ces dames. Eh bien, c'est à elles que j'en répondrai. Cela vous arrangerait sans doute, mais ce n'est pas à elles qu'il s'agit d'en répondre, c'est à moi. J'y suis prêt. Vous avez votre sabre. Il y a donc eu félonie. Cette femme vous a aidé à fuir. Nous verrons bien si elle n'y gagne pas d'aller en Sibérie. » Ce mot fut l'arrêt de mort du major Sergine. Pour le salut de Sophie, je ne pouvais permettre qu'il s'en retournât vivant. Nous croisâmes le fer. Il reçut ma pointe sous la barbe, en pleine gorge. Je fus à terre aussitôt que lui, mais le premier coup avait suffi. Il mourut en me mordant sauvagement aux chevilles. Deux jours plus tard, je rejoignais l'armée à Smolensk. Je reprenais ma place dans le cortège lugubre qui, pas à pas, s'avançait à travers la neige, marquant sa route d'une longue traînée de sang. Restons-en là, mes amis. C'est assez réveillé le souvenir de ces jours funèbres. Il hante encore mes rêves. Lorsqu'enfin nous nous arrêtâmes à Varsovie, nous laissions derrière nous nos canons, nos transports, les trois quarts de nos camarades. Du moins, nous ne laissions pas l'honneur d'Étienne Gérard. On a dit que j'avais manqué à ma parole. On fera bien de ne pas me le dire en face, car la vérité, c'est ce que je vous ai raconté. Et si vieux que je sois, quand mon honneur est en cause, j'ai encore assez de force pour presser la détente d'un pistolet. Ainsi s'achève « Comment le brigadier se rendit à Minsk », une aventure du brigadier Gérard par Arthur Conan Doyle.